L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. Parler de golf, c'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Rémi Curtness. Salut Rémi! Bonjour Rémi, en fin de semaine, il y avait le tournoi Invitation au club de golf de Saint-Prime. Effectivement, c'était un tournoi ouvert à tous les joueurs de la région. On a eu plusieurs joueurs du Saint-Prime. Ah oui, OK. Et oui, on a eu des joueurs d'Arvida et de Chicoutimi. OK. Puis c'est Pascal Fortin-Simard, le frère de Kevin, qui a gagné avec un pointage de moins 13, okay. Suivi de l'équipe de Gilles Larouche avec un moins 11. Alors, c'était des belles performances. En partant, Gilles Larouche a gagné hier le tournoi senior à Arles. Ah, OK, c'est bon ça. Avec avec un score de 71, c'est une très belle performance. OK. Dis-moi, Pascal Simard, il a toujours autant de talent que son frère? Il a-tu du talent? Oui, il est très bon, effectivement. Ça doit être, il doit avoir à peu près 2 dans 4. OK. Là. Il n'est pas aussi bon que Kevin Fortin-Simard, mais Pascal est très, très bon. Kevin, c'est un des meilleurs au Québec actuellement, malgré qu'il joue quasiment à peu. Et au niveau compétition, puis je peux te dire que s'il s'en remettrait sérieusement à la compétition, il dépasserait un Dave Lévesque. Il a vraiment beaucoup de talent, là. Oui, il est très bon. En passant, si tu permets, Danny, j'aurais le goût de faire la promotion. On est en train de planifier ce qu'on appelle un week-end golf. 31 juillet et 1er juillet, vendredi et samedi. On aurait le vendredi soir vers 17h aller jusqu'à 18h un 9 trous, là, un skin game avec 4 très bons joueurs, dont Kevin Fortin-Simard. Ah, OK, ouais. Il y aurait aussi, je suis pas capable de me rappeler son nom, mais lui qui a gagné le concours de drive au Canada l'année passée, okay. Qui a représenté le Canada en Arizona. Oh. C'est lui qui nous... avec lequel on a des équipements de golf en concession. Là, c'est un professionnel également, mais un très long driver. Okay. Après ça, on aurait Jonathan Lambert. Puis là, on est à la recherche d'un troisième professionnel là, pour jouer le skin game. Ensuite, en soirée, sous les réflecteurs, on aurait le concours de drive. Oh, c'est bon, ça? Sur le trou numéro 10, oui, sur le trou numéro 10, avec des estrades là, pour permettre aux gens de voir les drives, la terrasse. Et le lendemain, on aurait l'Omnium Saint-Prime, c'est-à-dire un 4 balles meilleur balle là, ouvert à tous les joueurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et même du Québec au besoin. C'est un open. OK, OK. Hey, dis-moi, y a-tu beaucoup de joueurs du Saguenay qui viennent ici, ici? Parce que normalement, les gens viennent pas ici, normalement. Les gens du Saguenay, ça vient pas ici. Non, je me fie au commerce. Les gens du lac vont au Saguenay, mais les gens du Saguenay viennent pas ici. Est-ce que c'est le contraire vraiment ou il y a quand même pas seulement joueurs du Saguenay qui viennent ici, là? Ouais, ça ressemble au même okay. Dans le sens que les gens du Nord vont au Sud, puis à titre d'exemple, les gens de Chibougamau, Ibra-Dolbeau viennent à Saint-Prime, Robertval, Alma, Chicoutimi. Ouais. Les gens de Chicoutimi vont à Québec, Montréal. Mais nous, on a donné pas une directive, là, mais on a fait une recommandation à nos membres cette année. Okay. De jouer vers le nord, c'est-à-dire vers Dolbeau et vers Chibougamau. Puis on va avoir un home and home avec Chibougamau, là, un échange home and home, là, je pense que c'est en juillet. Okay. Alors nous autres, on essaie d'inviter nos joueurs à aller vers le nord pour que les gens du nord, ben, ils nous retournent l'appareil, ils nous retournent l'ascenseur puis qu'ils viennent à Saint-Prime. Alors ça, c'est un mot d'ordre qu'on a donné à nos membres, mais c'est sûr que plus on va vers le sud, meilleure la température est, plus il y a des terrains de golf. Alors, c'est assez difficile de leur demander de pas aller vers le sud. Là, c'est quasiment un réflexe. Mais au moins, on a plusieurs joueurs de Saint-Prime. Cette année, je pense que les gens de Dolbeau l'ont constaté. Okay. Qui sont allés à Dolbeau, puis même qui sont allés à Chibougamau. Puis Dolbeau, c'est facile. Il y a quand même, c'est pas loin, là. Mais Chibougamau, là, c'est quand même 2h30 de route, là. Oui, effectivement. Mais c'est pour ça que, regarde, eux autres, ils viennent beaucoup à Saint-Prime. Ils vont à Dolbeau également, ouais. Ils vont à Alma. Ils font toutes les files d'idées. Ils sont toujours bonnes délégations de 10-12 joueurs. Il y a des très bons joueurs sur Boucamou. Ouais. Fait qu'on s'est donné comme mot d'ordre, nous autres aussi, d'encourager des clubs plus... Demain, je vais avoir la chronique du club de golf de Chibougamau, fait que je vais y en parler. Ça doit certainement être apprécié par Michel Lallemand et toute son équipe, là. Oui, certainement. C'est avec Michel, d'ailleurs, que Gilles Larouche, là, les deux directeurs généraux, ont convenu qu'effectivement, il y aurait un homme. OK. Autre chose à ajouter, peut-être, en terminant? Rien de spécial. Là, on est à travailler le week-end golf. On se fait un projet et un budget. Okay. Si on pense que on est capable de viabiliser, sinon de rentabiliser cet événement-là, on va présenter ça au conseil d'administration pour devoir avoir un go là-dessus. Okay. Si on peut pas, ben on va essayer de planifier, pas probablement pour l'année prochaine. Mais déjà, Kevin Fortin-Simard a confirmé, on est en contact avec les trois autres joueurs, les deux autres joueurs, c'est-à-dire pour le skin game, puis on est en contact aussi avec quelques gros cogneurs au Québec et en région pour le concours. Ouais, mais comment ça coûterait ça? Tu me dis, faut que je m'informe du prix, faut que je me fasse approuver ça par le CA, c'est-tu bien dispendieux? Ben, on veut donner en skin game 5 000 $. Pour que ça soit invitant, si on veut avoir des gros joueurs et des gros cogneurs pour le concours de drive. Okay. Bien sûr, il va y avoir un petit coup d'inscription, là, pour le concours de drive. Pour le skin game, ben, c'est parce qu'on veut donner un show à nos membres puis à la population en général. Donc, on va faire ça, là, à peu près comme il se fait sur la PGA. Là, des cordes autour des tirs puis des verres puis on va les suivre. Okay. Et on veut donner un engouement à nos membres et à notre population sur le golf. Ben, avoir joué des très bons joueurs, ça donne le goût. Alors, ça donne le goût à nos membres de s'améliorer, puis aux juniors de se développer. Alors, c'est tous des objectifs qu'on poursuit. Mais évidemment, il faut que les revenus soient supérieurs aux dépenses, sinon au moins qu'il y ait. C'est ça, je partais pour dire minimum, kiff-kiff. C'est le minimum, là. Ouais, c'est ouais, ça. OK. Ben, c'est ça qu'on est en train de faire. Rémi, on se reparle mardi ou mercredi prochain. C'est toujours un plaisir. Voilà, c'était la chronique beaucoup. Du club de golf de Saint-Prime avec son président Rémi Curtin.